Je m'en fous de Noël, je m'en fous de Noël. Le 24 c'est officiel, grosse fête pour mes labels. Hey. Elle a sorti les confettis, mes labels. Elle a préparé la sono, mes labels. Il y a partout des Haribo, mes labels. C'est même elle qui a fait le gâteau, mes labels. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Aujourd'hui on va s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Aujourd'hui on va s'amuser. C'est parti pour la danse, le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mes labels. C'est parti pour la danse, le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mes labels. Et bon anniversaire, Mélanie. Aujourd'hui on va s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser. Aujourd'hui on va s'amuser. C'est parti pour la danse. Le reste n'a plus d'importance. Et n'oublie pas de danser, danser, danser.